Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à débuter aujourd'hui le septième chapitre de notre histoire de la Chine à dos de tortue. Un chapitre intitulé « Entre la mer et le continent ». C'est un chapitre qui porte sur une trame relativement grande de l'histoire et qui met surtout en valeur une dynamique excessivement importante si on veut être en mesure de comprendre de nombreux enjeux de la Chine contemporaine, soit la dualité entre la frontière maritime et la frontière continentale. Cette dualité entre la mer et le continent constitue en fait l'une des trames essentielles de toute l'histoire de la Chine. Et ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines, c'est la manière dont cette dialectique s'est amplifiée à partir de l'époque moderne, au point de devenir la friction vitale de laquelle dépend la stabilité et la survie du pays dans sa forme actuelle. Le chapitre numéro 7, intitulé « Entre la mer et le continent », est relativement dense et il sera divisé en 6 différentes sections. D'abord, nous parlerons des frontières chinoises de l'Asie intérieure. Puis, nous aborderons de manière plus spécifique les empires semi-nomades et la fin des Song. Comme troisième point de ce chapitre, nous parlerons de Genghis Khan et la Pax Mongolica. Pour suivre avec l'empereur Hongwu et le pouvoir autocratique des Ming. Toujours dans le contexte de la dynastie Ming, nous verrons ensuite Cheng He et les grandes expéditions maritimes, pour terminer avec comme sixième point de ce chapitre, en parlant de crise politique, faction et fin des Ming. Donc, le premier point de ce septième chapitre s'intitule « Les frontières chinoises de l'Asie intérieure », ce qui est en fait un concept emprunté au titre de l'ouvrage majeur de Owen Latimore, publié initialement en 1940, un livre dont le titre était tout simplement « The Inner Asian Frontiers of China ». Le concept de Latimore sert à illustrer la vaste zone qui relie, un peu comme une ceinture, ce qu'on appelle la Chine des 18 provinces, avec l'ensemble du territoire qu'on désigne comme étant l'intérieur de l'Asie, territoire qui inclut les régions contemporaines qui entourent la Mandchourie, la Mongolie, le Xinjiang et le Tibet. Mais le concept sert surtout à illustrer, et c'est là une des clés de l'approche de Owen Latimore, les relations historiques fluctuantes entretenues entre la population chinoise majoritairement sédentaire et les populations nomades et semi-nomades qui bordent ces régions et qui peuplent l'Asie intérieure. Pour bien comprendre les multiples implications de cette perspective, il est important que nous soyons capables d'effacer de notre esprit, ne serait-ce que momentanément, les lignes de démarcation politique contemporaine. Ce qui nous permet d'apprécier le fait essentiel, à savoir que, d'une part, les frontières politiques ont toujours été changeantes à travers l'histoire, et que, d'autre part, les interactions entre les populations de cette vaste région ne se sont jamais limitées, pour ne pas dire cantonnées, aux limites territoriales définies par les États. À cet égard, les frontières chinoises de l'Asie intérieure doivent être vues, du moins jusqu'à l'époque contemporaine, comme une vaste zone d'interaction culturelle multiforme. L'approche géohistorique de Owen Latimore nous permet de souligner à la fois l'impact des configurations géographiques sur l'évolution des relations entre une multitude de groupes culturellement distincts, mais aussi, et c'en est peut-être la contrepartie, de reconnaître le fait que les entités politiques se définissent en exacerbant les différences culturelles qui les distinguent de leurs voisins, tout en présentant ensuite ces différences comme quelque chose de déterminé et immuable. En bref, on sait qu'il n'existe pas de déterminisme géographique ou culturel entre les peuples et les territoires, même si c'est bien souvent le langage utilisé par le politique afin de se définir par rapport à ses voisins. Par exemple, avec l'unification impériale et la fondation de la dynastie Qin, on a vu que les tronçons existants de la muraille du Nord avaient été consolidés et qu'une rhétorique identitaire avait été constituée en séparant de manière claire et précise les populations nomades de la région de l'extérieur, le Wai, et les populations sédentaires de la région de l'intérieur, ce qu'on appelle le Nei. Renforcé par l'imaginaire de la séparation entre les barbares et la civilisation, cette ligne de démarcation identitaire simplifiée entre Nei-Wai ou entre nous et eux, c'est une ligne de démarcation qui ne correspond pas aux nuances infinies qu'on retrouve dans la réalité historique. En fait, tout le long de cette vaste région qu'on appelle la frontière chinoise de l'Asie intérieure, on retrouve des distinctions graduelles, des distinctions culturelles qui sont graduelles entre les populations, et même s'il existe effectivement un pôle identitaire entre les extrêmes nomades et sédentaires, il existe entre les deux toute une panoplie de variantes semi-nomades. Si on veut être en mesure de comprendre l'inventivité humaine, on doit rejeter les explications qui s'appuient sur le déterminisme, que ce soit un déterminisme géographique ou culturel, cela va de soi. Mais on ne peut pas non plus ignorer l'empreinte que le territoire peut avoir sur les populations. Et pour cette raison, je vais prendre quelques minutes pour préciser des caractéristiques fondamentales de la morphologie du territoire de cette vaste région. La région qui est associée aux frontières chinoises de l'Asie intérieure comprend donc les territoires actuels du Tibet, le plateau de Qinghai, le Xinjiang, le Gansu, la Mongolie et la Mongolie intérieure, ainsi que la Mandchourie. Au sein de ce vaste ensemble territorial, on retrouve quelques zones de plaine, réparties en bordure de la steppe, mais on retrouve aussi d'immenses montagnes ainsi que des zones désertiques. D'abord, si on considère les montagnes, on doit considérer d'abord toute la région qu'on appelle le massif central de la Haute-Asie, incluant le plateau tibétain, ainsi que l'arc de l'Himalaya, avec des sommets montagneux autour de 8000 mètres d'altitude, incluant par exemple le mont Everest qui pointe à 8800 mètres. On retrouve aussi un peu plus au nord de cette région les monts Kunlun, qui varient entre 3000 et 7500 mètres, le mont Altai qui s'élève à 4500 mètres et le mont Tian Shan à 7400 mètres d'altitude. Ces immenses massifs montagneux ont affecté la mobilité et les pratiques culturelles des populations locales de différentes manières. À commencer par le fait que, les routes montagneuses étant plus difficiles d'accès, des circuits d'échange se sont développés en contournant le plus possible ces imposants massifs montagneux. Ensuite, la mobilité des populations était aussi marquée par ce qui a trait à la transhumance du bétail, puisque les troupeaux se promenaient parfois entre le haut et le bas, selon les saisons, à différents niveaux de la montagne. Finalement, la mobilité des populations était presque conditionnée par les pratiques agricoles, puisque les sols montagneux s'épuisent plus rapidement que dans les plaines. Par ailleurs, toujours sur le plan de la morphologie territoriale, en bordure de ces chaînes de montagnes, on trouve des lieux qui facilitent la circulation des personnes et des biens, comme le corridor du Gansu, qui correspond essentiellement à la principale route d'extension vers l'ouest à l'époque de la dynastie Han. On retrouve aussi, en bordure de ces montagnes et de ces routes commerciales, d'importantes zones désertiques, incluant le désert de Gobi, avec des écarts de température pouvant varier entre 50 degrés et moins 40 degrés, ainsi que le désert de Taklamakan, situé dans les environs du bassin Tarim. Dans ce contexte désertique, les oasis sont devenues avec le temps des villes-relais indispensables, dont Tuen Huang, qui joue un rôle clé depuis la dynastie Han pour les relations avec la steppe et les échanges de toutes sortes entre la Chine et l'Asie intérieure. En allant plus à l'ouest, à l'extérieur des frontières de la Chine, les villes de Balkh, Merv et Samarkand ont joué, jusqu'à la fin de l'époque médiévale, un rôle de pivot commercial majeur au cœur des réseaux d'échange de l'Asie centrale, non seulement pour la Chine, mais bien plus encore dans une perspective d'histoire globale. Finalement, toujours sur le plan de la morphologie territoriale, en plus des montagnes et des déserts, on trouve dans le nord de la Chine une vaste région qui traverse l'ensemble du continent eurasiatique, d'est en ouest, une région qu'on appelle le Grand Corridor de la Steppe. Il s'agit d'un vaste corridor d'environ 9000 km, allant de la Hongrie jusqu'au nord de la Chine, dans la région de la Mandchourie. On sait de nos jours, grâce au progrès de l'histoire environnementale, que les nombreuses variations climatiques qui ont eu lieu à travers l'histoire dans cette région du globe ont grandement affecté la mobilité des populations nomades qui devaient suivre le bétail pour assurer leur survie. En revenant à la question des échanges historiques et des contacts entre la Chine et les populations de cette vaste zone de l'Asie intérieure, deux exemples concrets montrent la diversité des manières dont cette frontière pouvait être mise en valeur. Prenons d'abord comme premier exemple le cas des Xiongnu, dont nous avons déjà parlé. On a vu que la dynastie Han a pratiquement hérité de la frontière léguée par la dynastie Qin et surtout de la démarcation symbolique et culturelle signifiée par la Grande Muraille. Or, les Han ne se sont jamais limités à cette définition de leurs frontières et ils ont entretenu à travers l'histoire des relations fluctuantes avec les Xiongnu, si bien qu'on a l'impression qu'il n'existe ni de démarcation culturelle radicale et absolue entre les deux groupes, ni de stratégie unique pour tenter de les contenir. La fluctuation des stratégies n'avait rien de culturellement déterminé, et elles évoluaient selon des considérations politiques ou économiques, comme le traité de 198 avant notre ère, dont nous avons parlé précédemment, qui parlait d'un traité entre des États frères. On a vu se mettre en place une politique d'apaisement et d'alliance matrimoniale, le fameux He Qin. Mais on a aussi vu des affrontements militaires et la mise en place d'un système du tribut visant à séduire, diviser et corrompre par le luxe. Sur le plan des relations diplomatiques entre la Chine et l'Asie intérieure à l'époque de la dynastie Han, la soi-disant frontière de la Grande Muraille ne s'est jamais imposée comme seule source de distinction. Et il existait toute une série d'attitudes et de possibilités diplomatiques pour exprimer les relations entre la Chine et ses voisins. Comme autre exemple de la richesse historique et culturelle de cette région, la dynastie Wei, entre 386 et 534, ainsi que la dynastie Tang, entre 618 et 907, montrent toutes les deux un très haut niveau d'hybridation culturelle avec des populations issues de cette vaste frontière. Les Wei furent fondés par les Tagbak, Toba, et les Tang furent établis suite à une révolte des Xianbei contre les Sui. Et ils mirent en place une conquête de l'Ouest visant l'intégration de régions turcophones à l'intérieur du monde chinois. Par ailleurs, comme nous l'avons mentionné plus tôt, c'est aussi sur les routes commerciales de l'Asie intérieure que le bouddhisme a d'abord circulé jusqu'en Chine et de nombreux sites furent édifiés, où on a construit des pagodes, des temples, des grottes, des sanctuaires qui sont autant de témoignages artistiques de l'importance du métissage culturel de la région. À titre informatif, les principaux sites en question sont ceux de Mogao, établi à la fin du 4e siècle, situé tout près de Tunhuang. Le site Yungan, établi au 5e 6e siècle, celui de Longmen, entre le 5e et le 8e siècle, situé cette fois près de Luoyang, et finalement le site de Dazhou, entre le 9e et le 13e siècle, situé dans le sud-ouest de la région du Sichuan. Avant de nous tourner vers la dernière chanson du jour, je veux revenir brièvement sur la question de Hong Kong, dont nous avons parlé en début d'émission, en lien avec la condamnation récente de Jimmy Lai. Nous parlerons un peu plus en détail de Hong Kong à partir du 19e siècle et de la première guerre de l'opium. Mais pour ce qui est de la situation actuelle, il faut remonter aux manifestations de l'année 2019 et à la loi sur la sécurité nationale promulguée l'année suivante. Au-delà de la question de savoir s'il faut prendre position ou non sur des enjeux polarisants de la scène internationale, il est important de reconnaître que cette loi a considérablement modifié le paysage de la liberté d'expression à Hong Kong. Parmi les exemples qui le montrent de manière très concrète, et c'est une situation qui nous concerne lorsqu'on étudie l'histoire de la Chine, on avait coutume de retrouver à chaque année à Hong Kong, au début du mois de juin, des cérémonies de commémoration visant à ne jamais oublier les événements de la place Tiananmen de 1989. Or, depuis l'instauration de la loi sur la sécurité nationale en 2020, ces manifestations, qui mobilisaient des dizaines de milliers de personnes annuellement, ne sont plus tolérées par le régime en place. Et c'est dans cette dynamique qu'il faut voir la condamnation récente de Jimmy Lai comme une voix dissidente qui continuait à se faire l'écho d'une conscience critique, l'écho d'une voix qui refuse que soient enterrés dans les limbes de l'histoire les événements qui nous déplaisent au sujet de notre passé. Et pour terminer la rencontre d'aujourd'hui, je voudrais donner la voix à l'un des plus grands groupes rock sortis de Hong Kong, le groupe Beyond, qui a été actif au début des années 1980 jusqu'à la fin des années 1990. La chanson qu'il nous offre est chantée en cantonais. Alors, si vous le pouvez, portez attention à la sonorité et à la musicalité des paroles. Peut-être y sentirez-vous un peu la différence de tonalité avec le mandarin, qui est la langue de la majorité des chansons que nous avons entendues jusqu'ici. Pour le titre de la chanson qui se prononce « Chen de Hai Ni » en mandarin et « Tan de Koi Nei » en cantonais, ça veut dire dans les deux dialectes « Je t'aime vraiment ». Mais il me semble qu'il n'y a aucune traduction française qui arrive à rendre avec efficacité le ton de la déclaration. Qu'on dise « je t'aime vraiment », je t'aime très fort, je t'aime énormément, ou même qu'on le chante, je t'aime à la folie. Il n'y a aucune de ces traductions qui arrive à rendre l'effet magique que la langue chinoise procure à l'expression de l'amour partagé. En fait, la plus belle traduction française pour dire « Tan de Koinei », ça serait avec un petit sourire en coin, « Made in Québec », te dire tout doucement à l'oreille « Calisse que je t'aime ». Sur ces belles paroles que je vous souhaite de pouvoir dire à quelqu'un que vous aimez, je vous laisse avec cette chanson de Beyond, voici « Tan de Koinei ». Mon nom est Carl Derry et je vous dis à la semaine prochaine. Woman, 下次再见吧。 带出温暖永远在背后，纵使啰嗦始终关注，不懂珍惜太内疚。沉醉于阴间，他不赞赏，母亲的爱却永未退让，决心冲开心中挣扎，亲恩终可报答。春风化雨暖透我的心，一生眷顾无言地送赠。 带出温暖，永远在背后。纵使啰嗦，始终关注，不懂珍惜，太内疚。仍记起温馨的一对手，始终给我照顾未变样。理想今天终于等到，分享光辉盼做到。春风化雨暖透我的心，一生眷顾无言地送赠。是你。